Samuel Lauzon au micro de Futur Simple sur CKRL 89.1 et on poursuit l'émission avec Valérie Levé qui nous amène à l'école. Pas pour parler d'éducation, mais pour parler de consommation de drogue. Valérie, ce n'est pas vraiment un sujet très gai que tu nous proposes ce soir. Non, effectivement, Samuel, et c'est une étude réalisée par une équipe de chercheurs et de chercheuses de l'Université de Sherbrooke et de l'Université du Québec à Trois-Rivières et qui est parue ce printemps dans la revue Drogue, Santé et Société. Et cette équipe de recherche s'est intéressée aux habitudes de consommation chez les élèves du secondaire et en particulier au lien entre la consommation de drogue et la violence. Alors, pour mettre à table, je vais donner quelques chiffres. L'enquête de Santé Canada sur le tabac, l'alcool et les drogues réalisées en 2018 et 2019 dit que 18% des élèves du secondaire au Canada ont consommé du cannabis sur une période d'un an. Donc, ce fait-là est bien présent dans les écoles du secondaire. Il y a de la consommation de cannabis, on s'en étonne peut-être pas trop. Et puis, une autre étude de Statistique Canada de 2019 dit qu'en 2018, 39% des jeunes de 12 à 17 ans sont soupçonnés d'avoir commis un crime violent. Donc, il y a quand même pas mal de crimes violents, là, 39%, c'est quand même pas mal. Pas mal de crimes violents chez les jeunes. Et dans la littérature scientifique, il y a aussi des liens, des études qui montrent un lien entre consommation de drogue et violence. 39%, tout de même. Mais tu parles de lien entre consommation de drogue et violence. Un lien de quelle nature? Et est-ce qu'on a une explication pour ce lien? Alors, il y a plusieurs hypothèses pour expliquer ce lien entre drogue et violence. La première, c'est que la violence est liée aux activités de vente de la drogue. Bon, les trafiquants, les vendeurs adoptent des comportements violents pour protéger leur butin, pour protéger ce qu'ils vont vendre et aussi pour recouvrer des dettes. Une autre hypothèse, c'est que la drogue consommée, certaines drogues consommées agiraient sur le cerveau, donc ces drogues auraient des propriétés psychoactives qui agiraient sur le fonctionnement de la personne qui en consomme et qui ça induirait un comportement violent. Et dans une autre hypothèse, les auteurs de l'étude mettent en avant ce qu'ils appellent un syndrome général de déviance. Alors, selon ce syndrome, en fait, certains individus ont des prédispositions à adopter des comportements déviants. Donc, il y aurait comme une sorte d'effet domino chez ces personnes qui fait qu'elles ont tendance à adopter des comportements concomitants, donc des comportements qui se produisent dans un même contexte. Donc, par exemple, la consommation de drogue et la violence, ça se produit un peu dans un même contexte. Et cette prédisposition pourrait être expliquée par des facteurs biologiques comme le sexe ou l'hérédité, mais aussi par des facteurs psychologiques, psychosociaux comme des troubles de la personnalité ou l'impulsivité, ou encore ça pourrait aussi être expliqué par des facteurs contextuels, c'est-à-dire l'appartenance à un groupe d'amis, donc on veut faire comme les amis, on veut être pareil, ou par le milieu familial. Plusieurs hypothèses. Oui, c'est très intéressant, mais comme tu dis, ça fait beaucoup d'hypothèses. Est-ce que les auteurs de l'étude ont tenté de démêler toutes ces hypothèses? Ben, évidemment, on ne peut pas tester toutes les hypothèses en même temps, hein, et les auteurs se sont concentrés en fait sur deux facteurs qui sont le sexe et le niveau d'impulsivité. Alors, ils ont voulu voir si le lien entre la consommation de drogue et la violence, ça dépend du sexe ou du niveau d'impulsivité. Et donc, pour ça, les auteurs et les autrices, parce qu'en fait, dans les auteurs, c'est surtout des autrices, elles ont fait leur enquête auprès de 2900 élèves de 11 écoles secondaires du Québec. Il y avait des écoles privées et publiques. Et l'enquête s'est déroulée en 2014. Et l'idée, c'est vraiment de documenter ce qui se passe dans nos écoles au Québec. Donc, les élèves ont reçu un questionnaire qui portait sur les habitudes de consommation, sur la délinquance et aussi des questionnaires pour estimer le niveau d'impulsivité. Ça peut paraître bizarre, mais il y a des questionnaires, il y a des outils qui ont été développés spécialement pour estimer ce genre de choses, le niveau d'impulsivité. Et puis, les chercheurs ont analysé les réponses de 1440 répondants qui avaient entre 15 et 18 ans. C'est quand même un bon échantillon, ouais. 1440. Qu'est-ce que ces réponses nous apprennent sur la consommation de drogue des élèves au secondaire? Alors, en fait, on apprend qu'il y a 59% des élèves qui ont consommé de l'alcool dans les 12 mois précédant l'enquête. Il y a 22% qui ont consommé de l'alcool et du cannabis. Et bon, après tout, bon, consommer une bière, parce que l'enquête, en fait, elle ne dit pas si c'est une consommation occasionnelle, 3 fois dans l'année, ou si c'est une consommation récurrente, tous les 3 jours, par exemple. Donc, c'est, oui, ça peut faire une différence. Ouais, ça fait une différence. Donc, a priori, on se dit, bon, 59% qui ont consommé de l'alcool dans les 12 mois, s'ils ont consommé une bière dans les 12 mois, ce n'est pas dramatique. S'ils consomment une bière tous les 2 jours, ça peut être plus problématique. Là où ça devient aussi un petit peu inquiétant, c'est qu'il y a 6% des répondants qui disent consommer plusieurs drogues en plus de l'alcool et du cannabis, et par exemple de la cocaïne, des amphétamines, de l'héroïne. Donc c'est quand même assez jeune pour prendre déjà dans ce genre de drogue. Oui, tout à fait. Et puis il y a 3,6% qui ont déclaré avoir vendu de la drogue. Et là, dans ces pourcentages, il n'y a pas vraiment de différence entre les garçons et les filles. Et côté violence, on apprend que 28% ont un niveau d'impulsivité élevé, puis là aussi sans différence entre les filles et les garçons. Par contre, il y a 25% des garçons qui ont commis un acte violent contre 10% chez les filles. Donc là, il y a une différence entre les sexes. Et puis finalement, bah, tout ça, ces pourcentages de consommation de drogue et de violence, ça nous donne un état des lieux de ce qui se passe dans nos écoles secondaires en matière de drogue et de violence. Oui, c'est très intéressant, mais tu parles d'actes violents. Est-ce qu'on peut définir c'est quoi exactement un acte violent? Est-ce qu'on parle de bagarre? Oui, ça vaut le coup de regarder d'un peu plus près ce que ça veut dire. Donc, les auteurs, effectivement, ont discerné plusieurs types d'actes violents. Alors, il y a des actes violents qui sont purement physiques, comme par exemple se battre à coups de poing, briser quelque chose, notamment quelque chose qui ne nous appartient pas. Utiliser la force pour dominer d'autres jeunes, se battre avec quelqu'un qui ne nous a rien fait ou lancer des objets vers quelqu'un. On voit d'ailleurs que certains actes sont dirigés vers des personnes, comme se battre à coups de poing ou lancer un objet vers une personne. Et il y a d'autres actes qui sont dirigés sur des objets, comme bon, briser quelque chose, une partie d'automobile ou un bien scolaire, puisqu'on parle des élèves. Donc là, on s'en prend a priori à personne, on s'en prend à un objet, peut-être parce que quelqu'un a dit quelque chose. Il y a aussi des actes violents qui sont plutôt de nature intentionnelle. Donc, par exemple, menacer de battre quelqu'un pour le forcer à faire quelque chose. Et puis, ça peut même être encourager une autre personne à se battre. Donc, c'est assez large, finalement, hein, ce que l'auteur appelle acte violent. Et donc là, finalement, c'est presque de la violence par personne interposée. Alors, les auteurs ont toute une liste de ces actes violents et l'étude détaille le pourcentage de jeunes qui ont ces différents comportements et même en fonction du sexe. Donc, le résultat, c'est que les garçons ont plus tendance à se battre à coups de poing que les filles, à briser des choses, à utiliser la force, à lancer les objets. Pour certains actes, il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles. Par exemple, pour ce qui est de menacer de battre quelqu'un, se battre avec quelqu'un qui ne nous a rien fait, ou se fâcher facilement parce qu'on a été frappé ou taquiné. Donc, dans ces cas de figure-là, il n'y a pas de différence entre garçons et filles. OK. Moi, je vois que entre bien les différences là, entre garçons et filles, mais en épluchant les données, est-ce que les chercheurs ont trouvé un lien entre consommation de drogue et violence? Là, c'est un peu ce qui nous intéresse ici. Là. Exactement. Donc, les chercheurs ont épluché les données, puis fait des analyses statistiques. Il ressort que les élèves qui ont un niveau d'impulsivité plus élevé sont plus susceptibles de commettre des actes violents, ou s'y attend un petit peu finalement. Il ressort aussi que les élèves qui ont vendu de la drogue sont 7 fois plus susceptibles de commettre un acte violent que ceux qui n'ont pas vendu de drogue. Là, effectivement, on voit qu'il y a un lien entre la vente de la drogue et le fait d'être violent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas pour n'importe quelle drogue. Par exemple, la consommation d'alcool seule n'est pas associée à des délits violents. Là où ça se gâte, c'est quand l'alcool est consommé avec du cannabis ou pour les élèves qui consomment plusieurs drogues. Et dans ce cas, bah, le risque de commettre des délits violents augmente. Et finalement, on peut le comprendre parce que se procurer de l'alcool, du cannabis ou de l'héroïne, c'est pas vraiment la même chose, c'est pas dans les mêmes on s'en procure pas au même endroit et pas dans les mêmes conditions. Et cette violence associée à la vente de la drogue, bah, ce serait à mettre en lien avec le contexte d'illégalité des drogues. Et bah, faut rappeler aussi que pour les jeunes du secondaire, la vente de cannabis et d'alcool est illégale, ce qui peut pousser à s'en procurer dans la rue ou à commettre des délits violents. Par contre, les auteurs n'ont pas trouvé de lien entre le niveau d'impulsivité et la vente de la drogue. Donc, il y a impulsivité et violence, on s'y attend un peu, mais impulsivité et vente de drogue, ils n'ont pas trouvé de lien. OK, intéressant. Qu'en est-il des filles? Est-ce que celles qui consomment de la drogue sont aussi sujettes à la violence que les garçons? Ben oui, c'est ça qui est intéressant. Alors, c'est moins que les garçons, mais oui. Donc, les filles qui consomment de la drogue sont aussi sujettes à la violence et c'est ce que cette recherche met en lumière. Parce que quand on pense au trafic de drogue, on a tendance à penser aux hommes, aux garçons. Or, les petits caïds, là. Voilà, exactement. Et puis, l'étude montre que les jeunes filles y participent aussi. C'est un peu quelque chose qui est un angle mort du trafic de drogue, mais les filles y participent aussi. La vente de drogue et la violence associée aux activités de vente de drogue concernent donc aussi les filles. Et donc, en conséquence, les auteurs de l'étude préconisent de ne pas oublier les filles dans les activités de sensibilisation ou de prévention dans les écoles. Les activités qui ne devraient pas exclure les filles. Et c'est l'une des conclusions importantes de cet article. Et pour ceux qui veulent lire l'étude dans le détail, bah, elle est accessible gratuitement sur le site de la revue Drogue, Santé et Société. OK, super. Merci Valérie de mettre en lumière ce constat. C'est tout pour aujourd'hui, mais Futur Simple vous revient la semaine prochaine pour rester dans le domaine de la drogue et de l'alcool. Il sera notamment question de la conduite avec les facultés affaiblies. Et pour le moment, nous cédons le micro à En aparté avec Calypso Lemoine sur CKRL 89.1. n'en espère plus que l'espoir. Là où tu vas, les vents sont méchants. La lumière y envoie ses flèches noires. Plus de chemin, il se fait en marchant. Là-bas, on y parle irréel. Quelle astronomie! Cache tes lacs, ignore le ciel. L'étoile du Nord s'y est enlevée la vie. Au revoir, l'ami. Prends ce talisman. Si mon cœur bat, c'est à cause de lui. Je t'en fais serment. Ton flanc et ta gorge déployés sous l'empire d'une étrange sentence. Une foudre étonnante rêve déjà d'embraser la forêt de ton innocence. Amer Manitoba, sous le blizzard de l'intolérance, à genoux sur une plaine froide, à lui qu'était du sens. Si seul, si seulement je savais t'aider, un baume, un pansement au moins pour cette lune qui saignera dans tes mains. Tel était son souhait. Tu ouvres les cieux et tu respires encore cette poussière de lumière embaumant ta plaie. C'est l'étoile du Nord entrée dans ton corps. Alléluia. Toi l'homme vaillant, t'es là pour toujours comme l'amour. La vie t'a pris comme amant. Ses lèvres s'ouvrent, quel fracas! Lève-toi. Vas-y, danser dans ses bras. Fuirait. Poignets et les chevilles déliées, oh, j'avais.